quatrième et dernier temps de notre série consacrée à l'antisémitisme. Aujourd'hui, nous vous proposons un débat sur la relation entre chrétiens et juifs au Moyen-Âge. Explorer pendant trois émissions les figures de l'antisémitisme au 19e et 20e siècle, nous vous proposons ce matin de réfléchir à ce qui distingue ce que certains ont préféré appeler l'anti-judaïsme médiéval de l'antisémitisme moderne et contemporain. Qu'en était-il en effet des rapports entre chrétiens et juifs entre le 11e par exemple et le 15e siècle en France, en Italie ou en Espagne? C'est ce que nous verrons avec nos quatre invités de ce matin. Claire Soussen, elle est maître de conférence en histoire du Moyen-Âge à l'université de Cergy-Pontoise. Elle est nouvelle directrice de la nouvelle Gallia Judaica. Elle est auteure entre autres de Judei Nostri, relations entre juifs et chrétiens en Aragon aux éditions Méridienne. Daniel Yankou est en duplex avec nous depuis les studios de Radio France à Montpellier. Elle est directrice de recherche émérite au CNRS, professeur associé à l'Institut d'études du judaïsme à l'Université libre de Bruxelles et elle est par ailleurs auteure récent de Régine Catherine et Bonnet de Latte aux éditions du Cerf, une biographie croisée. Claude Dangean est avec elle également à Montpellier. Elle est enseignante-chercheuse à l'université de recherche du CREZEM. Elle est professeure à l'université de Perpignan via Domitia. Elle est membre du laboratoire d'études sur les monothéismes et elle est auteure, entre autres, de La loi du lucre aux éditions de la Casa de Velázquez. Et avec nous en duplex depuis Rome, Pierre Savy, directeur des études pour le Moyen-Âge à l'École française de Rome, auteur récent de Lettres à Louis IX sur la condition des Juifs du Royaume de France aux éditions de L'Éclat. C'était en 2017, mais tout de suite, puisque nous sommes jeudi, un nouvel épisode de La Fabrique de l'Histoire scolaire, notre feuilleton qui explore les façons dont on enseigne l'histoire en France, préparé par Séverine Yattard et Séverine Cassard. Charlemagne, fils de Pépère le Bref, 768-814, les rois fainéants et les maires d'Austrasie. Les dates, le Saint-Empire, oh, tout est prévu. Je parle à des gens qui font semblant de m'écouter, semblant de me regarder. Je suis là, vous me voyez? Les dates, le Saint-Empire, oh, tout est prévu. Est-ce que vous me voyez? La fabrique de l'histoire scolaire. Vous m'écoutez, s'il vous plaît? Faut pas que ce soit un cours. L'histoire, il faut pas l'apprendre, il faut la comprendre. Je vais interroger quelqu'un sur la leçon qu'il y avait à apprendre pour aujourd'hui. Bonjour. Oh là là, vous êtes combien là? On est 28. Vous êtes 28? Vous venez d'où en Touraine? Langers. Ah, Langers. Donc bah, vous connaissez bien le Moyen-Âge alors. Ce matin, Françoise Mollard, conférencière au musée de Cluny à Paris, accueille une classe de 5e venue de Langers en Touraine. Donc nous, on va parler de comment on vivait au Moyen-Âge. Vous êtes arrivés, vous, en bus? Oui. On arrivait comment avant? En charrette, en calèche, à cheval. Si vous aviez été pauvre? À pied. Alors, Langers-Paris, ça fait combien de kilomètres? 300. Facilement 300. Au Moyen-Âge, on faisait du 40 km par jour, à pied. Donc combien de temps vous auriez mis? Ça fait à peu près 6-7 jours. Alors, ça c'est la tour qui contient l'escalier, c'est un escalier en colimaçon. Et donc ici, c'était les cuisines. Et pourquoi c'était les cuisines? Qu'est-ce qu'il y a devant vous? Il y a le puits. Et donc les gens devaient se fournir eux-mêmes en eau. Sinon, où est-ce qu'on prenait l'eau? Bah, dans les rivières. Ouais, alors comment s'appelle la rivière ici? Dans la Seine. Bon, alors justement, on va parler eau. Et vous allez regarder ce qu'il y a au-dessus de vous, là, donc on est devant le corps de bâtiment principal, des gargouilles. Alors, on utilise l'eau, on la fait bouillir, et l'eau sale, qu'est-ce qu'on en fait? On la jette où? Par terre. Et montrez-moi les rigoles où on jetait l'eau. Là, dans les fossés. Ouais, voilà. Et suivez les rigoles et dites-moi où elles s'écoulaient. Dans la rue. Dans la rue, et après elles allaient où? Alors, jusqu'à la Seine. Et où est-ce qu'on prenait l'eau pour la boire? Dans la Seine. Ah, bon. Alors, il y avait un peu moins d'habitants à l'époque à Paris, donc c'était un petit peu moins sale quand même. Mais quand on entendait « allô », ça voulait dire qu'il y avait quelqu'un qui criait par la fenêtre qu'il allait jeter de l'eau. Et donc, il fallait comme ça s'éloigner pour éviter de recevoir de l'eau sale sur la tête quand même. Hein. Allez, on monte. J'espère qu'il n'y aura pas de boue dans la première salle. C'est bon, vous m'entendez là ou pas? Ouais. Alors, vous avez commencé à étudier un petit peu le Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, on a trois catégories de personnes. Ceux qui travaillent, ceux qui combattent et ceux qui prient. Là, nous sommes dans une salle qui est consacrée à quel type de personnes? Le combat. Le combat, très bien. Alors, ceux qui combattent, comment on les appelle? Les chevaliers. Les chevaliers. Et pourquoi? Dans chevalier, qu'est-ce qu'il y a comme cheval. Est-ce que les paysans peuvent monter à cheval? Non. Alors, comment on fait? Comment on combat? Qu'est-ce qu'il y a là? Oui. Une armure. Une armure, d'accord, ouais. Un bouclier et une épée. Un bouclier et une épée. Alors, il manque quelque chose ici. Au Moyen-Âge, il y avait une arme. La lance. Qui était très importante, c'était la lance. Donc, on a une lance. On monte à cheval. Est-ce qu'on dit cheval? Comment ils appellent? Oui. Un destrier. Un destrier, très bien. Pas le froid, ça vous dit quelque chose? Non. Un quenet? Et est-ce que ce sont des chevaux du type très mince qui vont très vite ou des chevaux assez solides d'après vous? Et pourquoi? Pour résister. Oui, pour résister, oui. Parce que le cheval, il doit porter le chevalier en armure. Le chevalier, parce que... Et donc, là, on a une cotte de maille. Là, c'est là, vous voyez, là, l'élément avec les petits anneaux. Est-ce qu'on la porte directement sur le corps? Non, ben non. Ben non. Non, mais parfois, il y en a qui me disent, ben oui. Donc oui, c'est ben non. Et pourquoi? Ça brûle. Ben oui, si vous avez des anneaux de métal sur le corps, oui, ça fait très mal. Alors, on porte donc un petit vêtement matelassé, qu'on appelle un gambesson, on met l'armure par-dessus. Et au début du Moyen-Âge, on a des armures avec des petits anneaux de métal. Puis ensuite, si vous tournez la tête, vous avez deux figures avec des armures de plate, c'est-à-dire des plaques de métal qui sont découpées et articulées. Combien ça pèse tout ça? 15 kilos. Alors, ça dépend de la taille du chevalier. Par exemple, là, votre prof, il est de taille, voilà. Si on imagine un très très grand, genre Teddy Riner, vous voyez Teddy Riner en armure, combien elle pèsera son armure? Je sais pas, 20, 30, 25. Ah oui, 80 kilos, Teddy Riner, c'est un balèze, quoi. Enfin, c'est un grand monsieur. Et vous, vous avez quel âge, les garçons là? 12. 12 ans, ah, c'est parfait. Jusqu'à 6 ans, vous avez été un enfant. À 6 ans, vous allez faire votre apprentissage de chevalier. Vous allez être écuyer ou être page. Et vous allez apprendre à bouger dans une armure. Et quand vous serez grand, vous saurez bien bouger dans l'armure. Donc ça ne va pas vous déranger d'avoir 40 kilos sur le corps. Actuellement, les gens de la force Sentinelle, vous allez en voir à Paris, des militaires, ils ont ça sur le dos. Hein, ou les pompiers qui vont éteindre le feu. Donc, vous savez bouger, il faut juste que l'armure ne soit pas rouillée, parce que là, c'est embêtant. Hein. Et puis, vous allez vous protéger la tête avec un haume. Et ensuite, vous allez donc combattre avec une lance. Et si la lance est cassée, vous prenez une épée. Vous en avez là-bas. Donc, ensuite, comment vous allez combattre? À cheval. À cheval. Et si jamais vous tombez de cheval? À pied. Voilà. Et tout à l'heure, vous avez vous levé en silence. On va voir un livre de combat. Et vous allez voir que les combats au Moyen-Âge, c'est une boucherie. Enfin, c'est comme... Il faut tuer. Alors, quelles sont les parties les plus sensibles? Ben, le cœur, c'est ce qui est le plus protégé. Les jambes. Oui, il y a une partie où il n'y a jamais d'armure, c'est parce qu'il est en contact avec la selle. C'est ici. Les fesses. Et si vous visez là, vous coupez les artères, et c'est parfait. On vise souvent les yeux, on vise en fait les jointures de l'armure, un peu comme une boîte de conserve. Est-ce que les femmes peuvent être chevaliers? Non. Alors, elles pouvaient défendre leur ville, elles pouvaient défendre leur village. Et il y en a une qui l'a fait. Allez-y, tout. Oui, Jeanne d'Arc. Il fallait pas. On avait le droit de défendre, hein, mais il fallait pas porter une armure, se couper les cheveux, il fallait pas être habillée en homme. Vous allez voir le livre de combat, puis on va passer au loisir. Allez-y. Doucement, doucement. « Un nouvel épisode donc de notre fabrique de l'histoire scolaire qui nous raconte comment on enseigne l'histoire aujourd'hui en classe aux enfants, que ce soit en primaire ou dans le secondaire. Une prise de son signée Philippe Etienne donc au musée de Cluny, une réalisation de Séverine Yattard et de Séverine Cassard. Et nous sommes dans le Moyen-Âge et nous continuons à parler Moyen-Âge aujourd'hui avec nos quatre invités qui sont répartis un peu partout en Europe, avec Pierre Savy. Bonjour Pierre Savy. Bonjour. Vous êtes à Rome, où vous êtes à l'école française de Rome, mais également avec nos deux invités qui sont ensemble dans les studios de Radio France à Montpellier. Daniel Yankou, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche émérite au CNRS et professeur associé à l'Institut d'études de judaïsme de Bruxelles, de l'Université libre de Bruxelles. Et Claude Dangean, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur, vous, à Perpignan et ici à Paris. Eh bien, j'ai la chance d'avoir à côté de moi Claire Soussen. Bonjour Claire Soussen. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en histoire du Moyen-Âge à l'université de Cergy-Pontoise. Alors, lorsque nous avons réfléchi à construire une semaine autour de la question de l'antisémitisme, je me suis souvenu que depuis quelques temps, à cause d'un numéro en particulier des Annales, c'était en 2012 où Elsa Marmoustein était venue parler de ce numéro sur les relations entre juifs et chrétiens au Moyen-Âge, mais aussi après avoir reçu dans notre émission l'auteur du livre « Deux peuples en son sein », Israël Jacob Yuval, qui évoque justement cette cohabitation entre juifs et chrétiens au Moyen-Âge. Il y avait eu visiblement des renouveaux de recherche autour de ces questions-là. Claire Soussen, on peut témoigner de ces renouveaux de recherche justement ? Alors en effet, pendant longtemps, l'idée qui a dominé, c'est que, en effet, il fallait distinguer l'antijudaïsme médiéval de l'antisémitisme moderne et contemporain. Et puis depuis quelques années peut-être, on recule la date d'apparition de ce qu'on pourrait qualifier l'antisémitisme au XVe siècle. Alors Israël Yuval, lui, remonte encore plus loin, mais son livre, aussi stimulant soit-il, a rencontré quelques... Beaucoup de critiques, on peut le dire. Quelques critiques, mais pour l'espace que je connais, moi personnellement, c'est-à-dire la péninsule ibérique, il me semble qu'on peut en effet remonter au moins au milieu du XVe siècle pour voir émerger cet antisémitisme qui... Avec des acceptions qui sont relativement modernes, c'est ce que vous voulez dire ? On emploie très clairement dans les sources le terme de race, hein, de race juive, lignage juif. Claude Dangean, vous êtes avec nous depuis Montpellier, les studios de Radio France. Il y a aussi quelque chose à dire, c'est que vous êtes tous les quatre, Pierre Savy, vous-même, Daniel Yankou et Claire Soussen, spécialistes de l'Europe du Sud au Moyen-Âge. Il faut peut-être dire à nos auditeurs qu'il y a a priori une différence de chronologie ou une différence de perception des relations entre juifs et chrétiens, entre Europe du Nord et Europe du Sud. Est-ce qu'on peut le dire, cela, Claude Dangean ? Oui, on peut le dire. C'est depuis les débats des années 1980 et depuis les articles de Gavin Langmuir, on avait pris l'habitude de distinguer l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. L'Europe du Nord ayant... les Juifs d'Europe du Nord ayant subi les massacres au moment des croisades à partir de 1096, les Juifs d'Europe du Nord, particulièrement en Angleterre, ayant été accusés les premiers de meurtres rituels. Et finalement, c'était peut-être une transposition du débat sur la féodalité. Aujourd'hui, je crois que nous distinguons surtout l'Europe du Nord et l'Europe du Sud, à la fois culturellement, mais c'est encore à mettre en question, et surtout... en raison des sources qui sont conservées. Mmh. Parce qu'en Europe du Sud, on a beaucoup de témoignages sur la vie quotidienne et donc nous pouvons parler de la vie en commun entre juifs et chrétiens. Et c'est d'ailleurs la spécialité, pourrait-on dire, Daniel Yankou, que vous avez vous-même développée depuis votre thèse qui avait été dirigée par Georges Duby, de travailler. Alors, ça ne s'appelle pas comme on l'appelle parfois à propos de la péninsule ibérique, la conviviencia, mais c'est la relation quotidienne, pourrait-on dire, dans les villes et dans les villages, entre les juifs et les chrétiens, dans la région provençale, en l'occurrence en Provence, Daniel Yankou. Oui, au sud de la Loire et dans le Midi en général, que ce soit dans le comté de Provence, indépendant du Royaume de France, ou dans le Languedoc, qui fut français Par ailleurs, il y a eu une aménité de mœurs et les temps fatidiques sont plus tardifs. Par exemple, ma collègue Claude Dangean a évoqué le temps des croisades. Mmh. Elles n'ont pas sévi dans le Midi. Elle a parlé du meurtre rituel et a cité à juste titre Langwyr. Il n'y a pas eu de légendes accusatrices dans le Midi. Donc, en effet, il y a eu des rapports de bon voisinage qui sont effectivement perceptible à travers la documentation notariée qui livre les occupations, la vie au quotidien des Juifs et leur rapport de bon voisinage très souvent avec la population globale chrétienne. Et cela plus tardivement donc que pour d'autres régions d'Europe occidentale et en particulier, disons, plutôt vers la fin du 15e siècle, voit la situation se dégrader dans les relations entre les uns et les autres, plutôt dans cette fin de Moyen-Âge. Ben, c'est-à-dire, pour le comté de Provence, il devient français après la mort du roi René. Et lorsqu'il devient français en 1481, fatalement, la Provence devenue française va calquer sa politique sur le royaume de France qui avait résolu son problème juif depuis fort longtemps, depuis 1306 et définitivement depuis 1394. Mmh. Donc, effectivement, après 1481, le climat s'alourdit. Les émeutes surviennent qui préludent à l'éviction définitive de 1501. Alors on voit Pierre Savy à travers les interventions des trois autres participantes à ce débat, on voit bien Pierre Savy qu'il y a déjà peut-être une différence chronologique qui est peut-être due aux sources, nous expliquait Claude Dangean et à la fréquente utilisation de sources notariées en particulier pour le sud de l'Europe issue du droit romain en particulier, peut-être donc une différence de chronologie entre Europe du Nord et Europe du Sud. Il y a aussi quelque chose à voir du côté du temps, pourrait-on dire. Est-ce que la question de la cohabitation entre juifs et chrétiens est la même au XIe siècle, avant la première croisade par exemple, et au XIIe, XIIIe ou XIVe, Pierre Savy? Ben, ça dépend beaucoup de l'espace à laquelle on situe l'observation. Hein. Si on continue ce petit tour d'horizon méridional, méditerranéen, je pense que s'agissant de l'Italie, il y a une évolution très nette et une dégradation tardive. Donc je rejoins parfaitement la chronologie qui a été proposée par par vos invités. Enfin, c'est à la fin du XVe siècle que les choses se dégradent très nettement. À l'échelle de toute l'Europe, si ça a du sens, et moi je crois quand même que ça en a un de parler de la chrétienté et de la manière dont la présence juive y est organisée, alors oui, je crois qu'entre le XIe, le XIIIe et le XVe siècle, de manière non linéaire et très complexe, il y a quand même une dégradation. Il y a les meurtres rituels dont on a un peu parlé, qui n'affectent pas l'Europe méridionale, c'est entendu jusqu'à assez tard en tout cas. Et puis ensuite, il y a la politique d'expulsion qui se met en place en Angleterre, en France, et beaucoup plus tardivement dans la péninsule ibérique, et beaucoup plus tardivement et incomplètement dans la péninsule italique. Claire Soussen, qui est à côté de moi, vous vouliez intervenir. Oui, je voulais juste préciser qu'il faut faire attention à l'effet de loupe que produisent certaines sources. C'est-à-dire que le décalage qu'on observe entre l'Europe du Nord et l'Europe méridionale, c'est qu'en effet, vous l'avez dit, il y a une différence majeure dans les sources disponibles. Vous avez évoqué les sources notariées, elles sont fondamentales, mais pour la péninsule ibérique et la couronne d'Aragon en particulier, il y a la documentation de la chancellerie royale qui donne un éclairage absolument magnifique de ces rapports quotidiens entre juifs et chrétiens. Alors que pour l'Europe du Nord, les sources dont on dispose sont essentiellement des sources qui émanent d'éclairs. Des sources normatives, pourrait-on dire. Des sources normatives et des sources qui émanent d'éclairs, c'est-à-dire des traités de polémique, et en effet les sources normatives, donc qui donnent un éclairage très particulier. Oui, alors ça c'est très important d'essayer de comprendre comment on peut savoir effectivement quels étaient les rapports, pourrait-on dire, quotidiens entre communautés juives et chrétiens, par exemple, parce que entre les diatribes contre les juifs qui sont tenues par certains clercs chrétiens, entre les plaidoyers pour les juifs qui sont tenus parfois par des clercs chrétiens et par le pape, parce que il y a dans la vision que l'on peut avoir de la présence des juifs en Europe occidentale à ce moment-là, une vision très particulière de protection et également de persécution. Tout cela nous pose des questions en tant que personnage du XXIe siècle, regardant ce XIIe ou ce XIIIe siècle, Claude Dangean. Il me semble que l'effet de source dont parlait Claire Soussaine est très important. Mais si on essaye d'avoir une vision globale sur la chrétienté, j'ai l'impression que finalement les différences entre les régions sont sensibles mais ne sont pas tellement fortes. Par contre, il nous faut comprendre que les gens du Moyen-Âge n'ont pas la même vision du monde que nous, n'ont pas du tout le même sens de la cohérence que nous. Et pour eux, vouloir que les Juifs se convertissent, c'est quelque chose de tout à fait naturel pour les chrétiens. Il n'empêche que certains clercs ou certains membres de l'oligarchie urbaine ou certains artisans ont de bonnes relations avec, avec les Juifs. Ce n'est pas contradictoire avec un anti-judaïsme qui peut également se manifester à d'autres moments, par exemple à Pâques particulièrement, lorsque Pâques tombe en même temps que la fête de Pourim. Vous voulez dire les caillassages de vitrines de commerçants juifs, par exemple, qui, par des enfants, ça peut arriver. Alors, et vous dites qu'il ne faut pas confondre cela avec, disons, une persécution massive et continue. C'est ce que vous semblez dire, en l'occurrence, Claude Dangean. Disons, tout existe. Mais dans la vie quotidienne, on a des gens des chrétiens qui peuvent aider, protéger les juifs lors de procès, d'autres qui peuvent être très vexants, voire violents, et qui les insultent publiquement. À charge de revanche d'ailleurs, quand il s'agit par exemple d'une prostituée, d'un juif, voilà, ils échangent des mots fleuris. Et ensuite, on vit quand même apparemment dans une vie quotidienne où en effet, des enfants, même en dehors des périodes difficiles, peuvent lancer des cailloux sur les portes des commerçants. D'une vieille juive. Ouais. Pas seulement pas attaquer les commerçants, mais voilà, il y a une vieille dame qui est dans une rue, c'est à elle qu'on va lancer des cailloux. Claire Soussaine et puis Pierre Savy ensuite et Daniel Yankou. Ce à quoi Claude Dangean fait référence, c'est ce qu'on appelle la violence rituelle, hein, qui intervient en effet régulièrement, alors pas tous les ans, mais certaines années au moment des fêtes de Pâques, et qui consiste dans la lapidation du quartier juif, qui, dans certains cas, peut mener à des dérives, à des extrémités terribles et à des morts. Mais en général, on interprète ces violences comme le rappel de limites nécessaires. Parce que, justement, en temps normal, ce que vous avez appelé la convivencia, sur laquelle on a beaucoup débattu ces derniers temps, mais parce qu'en temps normal, les rapports étaient finalement tout à fait quotidiens, tout à fait bons, et qu'il faut malgré tout rappeler que il doit y avoir des barrières. Pierre Savy. Oui, je répète ce que je voulais dire tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'on se situe quand même, et l'historiographie parfois tend un peu le bâton dans l'autre sens pour corriger des excès de nos prédécesseurs, on se situe dans un cadre où la condition juive, elle est définie, elle est dégradée, c'est une situation d'infériorité, tolérée, protégée, vous l'avez dit, mais dégradée. Dans ce cadre-là, en effet, ce qu'on observe dans les sources italiennes, les actes de la pratique, les sources narratives, etc., ce sont globalement, jusqu'à la fin 15e siècle, de bonnes relations. Je me disais en écoutant ce qui vient d'être dit, une chose assez triviale, on fait tous, hélas, l'expérience d'un racisme dans nos sociétés contemporaines, qu'empêche pas les gens qui en sont porteurs, les racistes comme on dit, d'avoir parfois des relations conviviales ou des bonnes relations, je veux dire, avec des gens qui sont pourtant victimes de ce même racisme. Je veux dire par là qu'en effet, il ne s'agit pas ici de dire que durant tout le Moyen-Âge, il y a une politique persécutrice, une politique d'État, ça viendra beaucoup plus tard, au XXe siècle. Il y a des bouffées qui sont soit dues à des causes ponctuelles, soit dues à de la violence rituelle, donc qui sont vraiment systématiques, comme vient de le dire Claire Soussaine, mais ça peut s'inscrire de façon étonnante, c'est vrai, ça peut voisiner avec des relations qui sont bonnes, qui sont des relations d'échange, de voisinage, il n'y a pas encore vraiment de ghetto, il y a des juiveries, il y a des quartiers spécialisés, voilà, les gens se croisent, se connaissent, interagissent, on va emprunter de l'argent chez le prêteur, y compris quand on vient d'un milieu très populaire en Italie, on vient lui rendre cet argent. Donc il y a toutes sortes de relations quotidiennes qui sont effectivement complexes à interpréter pour nous, mais c'est ça qui est intéressant dans ces sources du bas Moyen-Âge en particulier. Daniel Yankou. Oui, la lapidation a sévi à Béziers en particulier, la colafisation à Toulouse, ce soufflet mortel que devait subir un juif sur le parvis de la cathédrale, mais en Provence médiévale, qui est mon terrain, si je puis dire, On n'a pas d'exemple aussi outrancier. Les temps fatidiques surviennent au moment de la peste noire, en 1348. Mmh. Cependant, en Languedoc, il y a eu les temps de rayonnement avec l'école rationaliste, si je puis dire, de Montpellier, de Lunel, lorsque ce fut une terre d'accueil pour des juifs andalous chassés par les Almohades en 1140. Et le Languedoc a été très accueillant. Il y a eu des transferts culturels extraordinaires. Alors, ce temps de rayonnement languedocien, on peut avoir le pendant avec le temps de rayonnement champenois, avec l'école de Rachy au XIe siècle. À Troyes. Donc, il y a eu des. Il me plaît de dire qu'il y a eu des temps fastes, avec de longues périodes de rayonnement, et puis des temps de crispation. Alors, pour le Royaume de France et pour l'Europe du Nord, effectivement, ça commence très tôt. Il y a eu les croisades, 1096, que Rachy cite à peine d'ailleurs, qui a été contemporain. Il y aura les légendes accusatrices, il y aura surtout la crémation du Talmud en 1240, mais tous ces événements n'atteignent pas le Midi. Dans le Midi, par exemple, en Languedoc, au moment de la disputatio de 1240, 10 ans avant, Inter Iudaeos, on se préoccupe de rationalité, de philosophie grecque, d'Aristote, d'Averroès, et ce sont des débats intellectuels à l'intérieur des communautés. Et donc, pour s'adonner à de telles joutes intellectuelles, il fallait que les temps soient propices pour s'adonner aux choses de l'esprit. אסור מצו חפץ עצו דרכים גם מי לדבר בו דברי צרכים דברי סחורה אף דברי מלאכים אגב בתורת אל עוד אחד מני כי יש מרש הבא אל שמרני Yeshmer HaShabbat, donc une cantione des Shabbats d'Abraham Ibn Ezra, donc avec le chef d'orchestre Eduardo Paniagua. Dans notre série d'émissions consacrée à l'antisémitisme, aujourd'hui nous sommes dans une émission de la Fabrique de l'Histoire qui s'intéresse à la différence entre antijudaïsme médiéval et antisémitisme moderne. Alors évidemment, on voit bien qu'il y a à la fois la position des chrétiens, et ça a été rappelé à l'instant par Pierre Savy, Claire Soussen, qui hiérarchise les juifs dans la communauté en dessous des chrétiens. Donc il y a bien une vision hiérarchique où ils sont sinon mineurs, mais en tout cas minoritaires dans les communautés, dans l'Europe médiévale occidentale. Il y a aussi une réponse à cette minorisation de certains penseurs, rabbins, qui aussi se défendent en attaquant les chrétiens. Claire Soussen, ça c'est quoi, au XIIe siècle ? Non, je dirais que c'est surtout à partir du XIIIe siècle, à partir du moment où l'offensive des ordres mendiants et des prédicateurs franciscains et dominicains auxquels les pouvoirs accordent l'autorisation de venir prêcher dans les synagogues. Le XIIIe siècle, c'est l'ère des grandes disputes. On a évoqué la dispute de Paris, et il y a évidemment la dispute de Barcelone en 1263. Vous pouvez rappeler pour nos auditeurs ce qu'on appelle une dispute au Moyen-Âge ? Alors, dispute, hein, ou disputatio en latin, c'est un débat qui est provoqué par le pouvoir, par les autorités temporelles ou spirituelles, le roi ou le pape ou les clercs, et qui impose à un champion chrétien, qui est souvent un juif converti, enfin, surtout qui impose à un juif de disputer, de discuter de foi, de théologie, avec un champion chrétien qui est donc souvent un ancien juif converti, et l'objectif, c'est de démontrer la supériorité de la foi chrétienne sur la foi juive, sachant que, évidemment, hein, le débat et gagner d'avance du côté chrétien. Mmh. Et donc, on a une offensive massive avec ces grandes disputes Paris-Barcelone, mais on sait également à travers les sources juives et à travers la documentation de la pratique pour l'espace catalano-aragonais que des disputes informelles avaient lieu concrètement. Et du coup, ce que l'on observe à l'intérieur des communautés juives, c'est un renforcement et un durchcissement du discours anti-chrétien. Mmh. Alors, non pas pour dans l'espoir de convaincre les chrétiens des vérités du judaïsme. Ni pour porter le fer, en l'occurrence, absolument, du côté des chrétiens. Non, absolument, mais pour aider les juifs à résister à l'offensive polémique, à l'offensive idéologique. Claude Dangean, sur ce point, donc sur cette ce nouveau regard que portent les historiens justement sur la façon dont on se carapassonne, pourrait-on dire, devant les attaques qui sont de plus en plus fréquentes à partir du milieu du XIIIe siècle. Oui, mais peut-être même depuis en péninsule ibérique, depuis les Almois, depuis le XIIe siècle, depuis le Khuzari, depuis Benjamin de Tudel, toute une littérature hébraïque vise, nous semble-t-il, à renforcer le courage et la vitalité des juifs et des communautés juives. Mmh. Et en effet, elles sortent renforcées. Le mouvement de la Kabbale lui-même peut-être est efficace dans ce sens-là. Au XIIIe siècle, lorsque les juifs s'engagent dans ces disputes, hein, comme celle de Barcelone, en effet, où le champion est Narmanide, qui est un très grand champion d'après le récit qu'il en fait pour les juifs. Tous ces juifs gironnais, catalans ou provençaux ou languedociens sont très heureux, je dirais, de défendre, de présenter le judaïsme de manière très positive, et les communautés en sortent renforcées, me semble-t-il, dans un premier temps, même si les disputes se font dans un climat extrêmement difficile, parce que Narmanide refuse d'abord dit qu'il va refuser de débattre, parce qu'il sait que autour du palais royal, des foules dangereuses l'attendent. Hein. Ça se passe un peu comme les matchs de foot. Allez, c'est ça, il faut que vous donnez-nous des images, parce que c'est vrai que c'est assez incroyable de penser que des disputes donc intellectuelles, d'une certaine façon, donnent lieu à un tel mouvement de foule, pourrait-on dire, sur ce point, Claude Dangean. Oui, alors la dispute au XIIIe, celle de Barcelone, est libre. Narmanide s'exprime comme il l'entend. Le roi le laisse dire des phrases qui sont assez dures à entendre pour les chrétiens. Mm-hmm. Mais la pression populaire est... est à l'extérieur du palais. Alors, on a un public, je dirais, de clercs et de nobles qui est sage, mais un public populaire qui est très dangereux. Ouais. Et on sait que des émeutes peuvent éclater et les juifs ont peur de ces émeutes. Mmh. Donc c'est très complexe. C'est fragile. Vous voulez dire que c'est une situation fragile. Claire Soussen et Pierre Savy et Daniel Yankou. Claire Soussen, brièvement. Oui, je voulais juste rajouter que la dispute de Barcelone dure grosso modo un mois. Il y a 4 ou 5 séances au mois d'août 1263. Il faut imaginer ce qu'est la dispute de Tortosa en 1413-1414. Hein, elle dure un peu plus d'un an. Mm-hmm. Et on a convoqué à Tortosa les représentants juifs des communautés les plus importantes qui sont, ni plus ni moins, otages. Ah, c'est ça. Oui, c'est un des risques, effectivement, que d'accepter cette confrontation, en l'occurrence. Pierre Savy, le XIIIe siècle, d'après ce que j'ai lu chez vous tous et chez vous toutes, en tout cas, est considéré souvent comme une pierre de touche, un moment important du changement de regard, pourrait-on dire, sur les Juifs dans les sociétés chrétiennes d'Occident médiéval, en particulier parce que depuis longtemps, on met en avant le Concile de Latran IV, 1215, donc, et l'idée qu'il faut que les Juifs se distinguent des chrétiens par leurs vêtements, et on a souvent considéré que c'était un moment très particulier justement de la mise à l'écart des Juifs dans les sociétés médiévales. Quelques historiens ou historiennes reviennent sur cette importance de la 34 par rapport à ce qui s'était passé auparavant et ce qui s'est passé ensuite, mais tout de même ce 13e siècle est important, ne serait-ce que parce que le roi Louis IX, auquel vous consacrez donc un livre par l'intermédiaire de la lettre qui lui était envoyée, qui devait lui être envoyée, il ne l'a pas été, de Meir Ben Seiméon de Narbonne, donc publié aux éditions de l'Éclat, et est au cœur de cette question des relations entre des rois très chrétiens et les Juifs de leur royaume. Oui, alors cette lettre qui n'a pas été envoyée effectivement et dont l'auteur est Meir Ben Siméon, est une lettre qui réagit face à la politique royale concernant l'usure, de manière extraordinairement courageuse, véhémente, critique et tout à fait conforme à ce qu'on vient de dire sur cette capacité de réponse pour galvaniser peut-être ces lecteurs juifs que développent les auteurs, les intellectuels juifs au XIIIe siècle. En revanche, quoique postérieure à la 34, elle n'est pas une réaction à l'imposition du signe distinctif, pour la bonne raison que, et ça nous laisse songeur du reste, Louis IX, obsédé par la sainteté et la foi, comme chacun sait, a attendu la toute fin de son règne. Enfin, il ne savait peut-être pas que c'était la fin, mais il a attendu 1269 pour mettre en place la rouelle, hein, le signe distinctif effectif. Donc, de l'édiction d'une loi, d'un canon, du 68e canon, qui, vous avez raison de le rappeler, hein, ne tombe pas du ciel. Il y a eu d'autres conciles avant la 34, et ce n'est pas une totale nouveauté, c'est dans un contexte avec les frères mendiants, etc. Mais donc, de l'édiction, de la promulgation de ce canon à sa mise en œuvre effective par les autorités politiques du temps, il y a du temps qui peut s'écouler précisément, et là c'est une cinquantaine d'années. Donc Meir Ben Siméon, il réagit sur l'usure, sur cette politique qu'il juge indigne, manquant de respect à la parole des ancêtres, des pères du roi, ce qui est un argument très fort dans une société conservatrice comme la société médiévale, qu'il juge aussi, nuisible sur le plan de l'économie. C'est un argument très fort qu'il développe contre Saint-Louis, que de dire, mais enfin on a besoin du prêt, et laisse plutôt les Juifs prêter plutôt que les chrétiens, puisque des chrétiens tu dois te soucier du salut, et non pas des Juifs. Donc c'est un argument assez habile, hein, consistant à dire, pour simplifier, laisse-nous pécher, enfin, laisse-nous prêter à intérêt, et ça, nous, on veut bien faire. Mais c'est pas sur le signe, quoi. Oui, oui. Et Claude Dangean, sur ce 13e siècle, comme moment, sinon de bascule, avant les lois qui, évidemment, sont beaucoup plus dures au 14e et surtout au 15e siècle, après, vous l'avez rappelé les uns et les autres, après la peste de 1348, sur ce 13e siècle, comme moment particulier, avec effectivement des prédicateurs, qu'ils soient dominicains ou qu'ils soient franciscains, qui vont attiser, souffler sur les braises et faire en sorte que les relations peut-être bonnes le deviennent un peu moins ensuite entre juifs et chrétiens. Le XIIIe siècle est encore au moins en péninsule ibérique, en Languedoc et en Provence, est encore un siècle, un âge d'or, ouais, pour les communautés juives. Mais en effet, la situation est, on l'a dit, fragile, mais la vie quotidienne, les relations ne sont pas univoques. C'est-à-dire que les franciscains, par exemple, en Catalogne, peuvent voisiner avec des juifs et leur louer des maisons, par exemple, et ensuite prêcher contre eux et attiser en effet la foule. À Majorque, mais on a d'autres cas plus tardifs en Provence, les franciscains peuvent se plaindre que les juifs dans leur synagogue font du bruit lors des fêtes et lors des prières, ce à quoi les juifs répondent, mais nous étions là avant vous, et on mesure les murs de la synagogue pour savoir si l'isolation phonique est bonne, mais le reste du temps, les relations entre le couvent de Majorque, par exemple, et le deuxième quartier juif sont bonnes. Donc c'est vraiment un siècle de vie souvent heureuse. Daniel Yankou le rappelait tout à l'heure, un siècle d'épanouissement intellectuel. Mais il ne faut pas... Enfin, nous avons eu, je crois, à peu près tous ceux qui sont autour des diverses tables éparpillées de cette discussion à travers l'Europe. En Europe, nous avons tous eu à cœur d'insister sur les bonnes relations. Et parce que nous travaillons sur des sources de la chancellerie, sur des sources notariales, sur des sources hébraïques, etc. Mais peut-être en prenant un peu le contre-pied de ceux qui avaient travaillé avant nous et qui avaient insisté, à raison, hein, sur l'antisémitisme et l'antijudaïsme, Et maintenant, peut-être que nous sommes en train d'essayer de présenter la situation telle qu'elle était dans la vie quotidienne, c'est-à-dire à la fois cette coexistence pacifique, voire amicale, ces échanges vifs, parfois profonds, même théologiques, cette entraide entre femmes, entre artisans, ces jeux entre enfants, mais en même temps, de temps à autre, même dans la vie quotidienne, même en dehors de ce qu'on a appelé la violence rituelle à la suite de Nuremberg, des moments où une véritable haine émerge. Alors après, dans la couronne d'Aragon, ça s'exprime beaucoup plus tardivement. On parlait de Tortosa tout à l'heure. Oui, après Tortosa, oui, la situation... Donc au 15e siècle, là, en l'occurrence. Au 15e siècle, oui. Oui, Daniel Yankou, d'ailleurs, on mesure aujourd'hui les bonnes relations entre communautés qui sont d'origine religieuse différente à la question des mariages interconfessionnels. Y a-t-il des mariages interconfessionnels ? Vous avez travaillé sur Régine Catherine et Bonnet de Latte, par exemple, donc pour le livre que vous venez de publier aux éditions du Cerf. Peut-on imaginer cette question-là ou est-ce que c'est totalement inimaginable dans cette Provence que vous connaissez si bien, donc aux alentours du 13e, 14e et 15e siècle ? Oui, des mariages interconfessionnels, il ne faut pas rêver. Il n'y en avait pas. Régine a rompu le pacte, si je puis dire. Elle quitte les rangs de son peuple. Elle épouse ni plus ni moins que le secrétaire du roi René, excusé du peu. Mais c'est un cas tout à fait exceptionnel qu'il m'a plu de suivre sur 50 ans quand même, sur un demi-siècle. Mais c'est vraiment l'exception. Mmh. Et elle et ses sœurs appartenaient à un riche lignage. C'était en quelque sorte l'aristocratie juive de Provence-Orientale, dans la petite ville de Draguignan. Et elles ont d'ailleurs été très sollicitées par le milieu de cour pour se convertir et pour entrer dans la belle société chrétienne. Donc ce sont des cas marginaux. Mmh. On ne peut pas généraliser. En revanche, et on observe le mariage juif chez les notaires, et j'ai pu en collecter 150 environ. Mmh. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir la population juive se rendre chez le scribe chrétien, chez le tabellion, pour enregistrer des actes aussi intimes que les mariages ou les testaments, et dicter au notaire des vocables hébraïques que le scribe recopie phonétiquement. Et donc c'est assez insolite, ces gros registres de notaires en latin, qui contiennent des expressions hébraïques dictées par... Et ça montre, à terme, la porosité qui existait entre le notaire, qui était médiateur entre deux mondes, le monde juif, qui pratiquant ses rites, et la société globale chrétienne. Alors, par ailleurs... Oui, allez-y, continuez. À propos des disputationes, ce qu'il faut savoir en 1240, si on remonte plus haut, la chrétienté, et ça je renvoie à mon ami Gilbert Dahan, dont les publications de la Nouvelle Galia Judaica viennent de livrer des études sur le judaïsme qu'il avait élaboré dans sa jeunesse, si je puis dire. La chrétienté, en 1240, découvrait avec effarement que les Juifs découvraient la littérature rabbinique, si je puis dire, et les Juifs ne s'en tenaient pas à l'Ancien Testament, mais avaient un autre corpus de textes, le corpus talmudique. Oui, et c'est ainsi que le Talmud a été mis à l'index. En 1240, l'accusé, c'était le Talmud, d'où ensuite la crémation. À Barcelone, si je peux me permettre, c'est la messianité de Jésus. Pourquoi les Juifs étaient rétifs, étaient aveugles à la vérité chrétienne, et on a mis en accusation cet aveuglement et leur négation de voir le Messie en la personne de Jésus. Et à Tortose, on conjuguera les deux griefs religieux, et à Tortose, comme l'a dit Claire Soucède, ce fut très violent, il y eut tout un décorum pendant plus d'une année où les chefs spirituels de chaque communauté venaient devant le corps ecclésiastique vêtu en grande pompe. On annonçait avant chaque séance le nombre de défections au judaïsme qui survenaient dans chaque communauté, tel rabbin, tel... Et ce fut vraiment terrifiant. Mais ça annonçait la fin. D'ailleurs, ça survenait après les drames de 1391 qui virent l'émergence d'une société marginale de conversos. Et les temps sombres à les suivre, d'ailleurs. Alors, il serait bon, d'ailleurs, d'arriver à ces temps sombres avant de clore cette émission, parce que il y a, Claire Soussaine et Pierre Savy, cette notion, vous disiez tout à l'heure, je vois apparaître, Claire Soussaine, au début de cette émission, le terme de race, par exemple, dans cette ce 15e siècle de la fin du Moyen-Âge, pourrait-on dire. Et donc, j'y vois peut-être le début de ce qui va devenir ensuite l'antisémitisme moderne. Il y a vraiment cette dimension de, en particulier de la limpieza di sangre, qui démarre même avant 1492, avant l'expulsion des Juifs d'Espagne, et en particulier du côté de Tolède, je crois, au milieu du 15e siècle. Absolument. En 1449, se produit à Tolède une émeute qui conduit à la publication de ce qu'on appelle la Sentencia Estatuto, qui vise à exclure des fonctions de pouvoir les convertis du judaïsme au christianisme. Alors il faut revenir un petit peu en arrière et expliquer qu'en 1391 ont eu lieu toute une série de massacres extrêmement violents dans toute la péninsule durant lesquels les juifs avaient le choix entre je fais simple, la mort et la conversion forcée, et que l'énorme paradoxe c'est que s'est converti de force, finalement, quelques années plus tard, on se met à leur reprocher l'insincérité de leur foi, et on se met à questionner leurs origines et à remettre en question l'idée d'une conversion sincère. Et on va même jusqu'à dire que, du fait de leur nature profonde, finalement, les Juifs ne pourront jamais devenir de vrais chrétiens. Oui, Pierre Savy, sur ce point, effectivement, cette question de ce qu'on appelle la macule, pourrait-on dire, une autre conception de l'hérédité, dit vous, la tension entre ce qu'un individu est visiblement, dites-vous, et ce qui s'impose en lui, malgré lui, voire contre lui, eh bien, c'est ce qui marque cette fin de Moyen-Âge dans les rapports entre chrétiens et juifs. Oui, voire contre lui, ça renvoie au fait que certains d'entre ces malheureux nouveaux chrétiens sont des chrétiens sincères, ce ne sont pas tous des maranes qui judaïsent dans leur coin, et donc sont victimes de ces mesures de discrimination, qui ne sont pas des mesures, dans un premier temps du moins, d'expulsion, ou encore moins de massacre ou quoi, mais de mise à l'écart d'institutions très prestigieuses. Hein. La limpieza des sangres, elle permet d'interdire l'accès à un chapitre, à une institution universitaire, etc., à des gens qui ne sont pas de vieux chrétiens. Mais en effet, on voit se développer ce phénomène qui relève donc une remise en cause quand même d'une bonne orthodoxie chrétienne qui voudrait que le baptême, c'est quand même une religion prosélyte, hein, le christianisme, et donc le baptême lave et rend le nouveau chrétien tout aussi chrétien que celui qui serait chrétien depuis toujours, sur le modèle, et ça les chrétiens ne peuvent pas l'oublier quand même, de Jésus lui-même, et des premiers apôtres qui se sont baptisés. Donc il y a là une remise en cause très très saisissante d'une certaine orthodoxie qui serait ouverte aux conversions et qui se développe au 15e ou 16e siècle. Je crois qu'une bonne pierre de touche pour évaluer ces positions-là, c'est évidemment pas l'usage d'une notion biologique de race. Ça, je trouve que c'est un mauvais procès qu'on fait aux tenants du continuisme, hein, parce qu'évidemment, ce ne sont pas des savants du 19e siècle, ils ne parlent pas de race juive, mais c'est la question du baptême. C'est pour ça que j'avais travaillé là-dessus. Quand on juge que même le baptême ne peut pas... et Luther le dit, par exemple. Hein, si on lui présente un juif qui veut se convertir, il va lui mettre une pierre au cou et le jeter dans le fleuve. Donc, si même le baptême ne peut pas véritablement effacer la macule juive, alors il y a véritablement un problème. Et donc, cette vulgate qui doit beaucoup par exemple à Hannah Arendt, qui voudrait qu'il y ait un anti-judaïsme religieux d'une part et un antisémitisme racial et construit par des catégories modernes 18e, 19e, 20e siècle comme celle de la race, etc. C'est une vulgate que moi, alors je ne suis pas sûr que ce soit une position majoritaire, mais pour ma part je remets vraiment en cause, oui. Claire Soussaine, Claude Dangean et Daniel Yankou, pour brièvement conclure parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Alors juste un exemple précis, hein, le théologien Alonso de Espina dans sa forteresse de la foi explique précisément que les Juifs ont un attachement indéfectible au Talmud qui fait que, bien que convertis, ils ne pourront jamais devenir vraiment chrétiens, et il compare leur attachement à la négritude des Éthiopiens ou à la bigarrure du léopard. Mmh. Autrement dit, des éléments de nature qui font que ils ne pourront jamais se convertir. Claude Dangean, sur ce point. Il faut quand même, je vais me faire un peu l'avocat du diable, c'est-à-dire démolir un peu ce bel ordonnancement que nous avons tous partagé et construit. Il faut relire le texte qu'avait réédité Jean-Claude Schmitt avec la conversion d'Hermann, mais voilà, de manière à mettre un petit bémol ou un élément de réflexion supplémentaire. On est juif parce qu'on est de lignage juif, et ça, dans la sentence, il y a toutes ces lignages et races. Alors, il ne faut pas lire race dans le sens 19e, 20e, mais dans le sens lignage. Et finalement, cette évolution, elle doit peut-être être mise en question. C'est sûr qu'il y a des difficultés qui sont de plus en plus graves, qui touchent les Juifs, et du nord vers le sud, c'est certain. Mais dès le début du Moyen-Âge, il y avait bien un anti-judaïsme, et peut-être quelque chose que nous pourrions appeler de l'antisémitisme, mais du point de vue, un peu comme une clé heuristique, pas parce que c'est l'antisémitisme qu'on a connu, oui, contemporain, mais parce que le terme d'antisémitisme pourrait bien nous faire comprendre ces relations complexes. Un dernier mot, Daniel Liancou, pour conclure. Oui, alors je pourrais conclure sur mes convertis à moi de Provence, parce qu'ils ont été nombreux. J'ai pu identifier 300 néophytes, on les appelait ainsi, nouveaux chrétiens. Avec leurs identités juives et leurs nouveaux noms chrétiens. Et j'ai pu les observer un peu au XVIe siècle et sur la longue durée. Alors, même si leur ascension sociale va se faire assez rapidement, on pourrait citer des noms prestigieux, les Estiennes d'Orve, qui s'appelait autrefois Gabriel Cohen. On peut parler des ancêtres maternels de Nostradamus que j'ai identifiés. On peut parler des Entrecasteaux, des Roquebrunes, etc. Donc, leur ascension sera réel, mais au XVIIe et au XVIIIe siècle, il y aura par ailleurs, émis par Louis XII, un impôt sur les néophytes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils veulent pénétrer dans le corps religieux chrétien et social chrétien, mais un impôt les rattrape. Et cependant, au XVIIe et au XVIIIe siècle, l'ordre de Malte mettra en garde ses membres contre l'entrée ou le désir d'insertion des néophytes qui sont de souche hébraïque. Donc, quand même, ça les poursuit, ce passé juif. Et ça dure sur plusieurs dizaines d'années, voire sur plusieurs siècles. Merci à tous les quatre, en tous les cas. Claire Soussen, dont on peut citer le livre « Judée in Austrie, relations entre juifs et chrétiens en Aragon », c'était aux éditions Mérinienne. Daniel Liancou, dont votre dernier livre s'intitule « Régine, Catherine et Bonnet de Latte » aux éditions du Cerf, on en reparlera dans la fabrique. Claude Dangean, auteur de la loi du lucre aux éditions de la Casa de Velázquez. Et pour vous, Pierre Savy, vous venez d'éditer la lettre à Louis IX de Meir Ben Siméon de Narbonne aux éditions de l'Éclat. Merci à tous les quatre d'avoir été aussi précis dans cette question qui nous intéressait et nous taraudait depuis pas mal de temps à la Fabrique de l'Histoire. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Aurélie Marcet et Francesca Fossati. Pascal Bénard était à la technique aujourd'hui et nous remercions nos collègues de la RAI à Rome ainsi que nos collègues de Radio France à Montpellier d'avoir accueilli dans leur studio nos invités. Et Thomas Duterre était à la réalisation.